Bienvenue en 2030 Glorieuse, le podcast pour raconter les mondes de demain. Répète partout que demain est foutu, qu'il est trop tard et que nous n'avons d'autre choix que de limiter les dégâts. Et à force de l'entendre, nous avons fini par mettre nos rêves en pause pour devenir les simples gestionnaires de notre propre extinction. Pourtant, je reste convaincu d'une chose, l'avenir ne se gère pas, il se rêve. Cette année, on va travailler ensemble à redorer le blason de nos rêves pour en faire des stratégies. Alors bienvenue dans la communauté 2030 Glorieuse et je vous souhaite une bonne écoute. Bon, bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Le podcast, il est soutenu par l'ANEF qui est une banque éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, l'ANEF finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Tiens, on va en parler aujourd'hui. C'est la banque des 2030 Glorieuses. Elle est coopérative parce qu'elle appartient à ses sociétaires, éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent, transparente parce qu'elle est la seule banque française à publier l'intégralité de ses financements. Elle m'a d'ailleurs permis, moi, d'interviewer plein de projets qui participent aussi en 2030 Glorieuse. C'est pour ça que je suis fier de ce soutien et je vous invite à vous aussi être fier de votre banque en ouvrant un livret à la NEF. Je faisais le petit clin d'œil entre la NEF et les invités puisque aujourd'hui, je reçois Alice de Cointet qui est une figure clé de WinCoop et qui est notamment soutenue par la NEF. On en reparlera. Toi, Alice, tu es une femme qui a décidé que la mer, elle ne devait plus être une zone de non-droit écologique et social, mais le terrain d'une immense reconquête citoyenne. Comme je le disais, tu es une figure clé de WinCoop, la première compagnie maritime militante organisée en coopérative. Alors que la quasi-totalité de ce que nous consommons transite par des géants des mers ultra-polluants, vous construisez des porte-conteneurs à voile financés par des citoyens et des entreprises engagées. Ensemble, on va voir comment WinCoop réinvente le commerce mondial en remettant de l'humain, de la démocratie, surtout du vent dans nos échanges. Est-ce que ma présentation te convient, Alice? Et est-ce que je prononce bien WinCoop? Oui et oui, c'est bien WinCoop et pas WinCoop, comme le disent la majorité des gens. Oh, les boomers. Et donc, j'en profite pour te saluer, Alice. Merci d'accepter de répondre aux questions des 2030 Glorieuses et de faire ce voyage avec moi. La première question est un pas de côté tout de suite pour te mettre dans l'ambiance, puisque cette année, dans le podcast 2030 Glorieuses, j'ai décidé de redorer le blason du rêve. J'ai l'impression qu'on se piège un peu avec cette idée de gérer l'avenir alors qu'on a besoin de le rêver avant tout. Et je voulais voir avec toi, quelle place tu donnais au rêve dans ta vie, dans ton métier sans doute, mais pas que. Tu répondrais quoi à cette première question, Alice? La place du rêve dans ma vie, les rêves, moi, c'est plutôt, je dirais, ce qui me booste. Alors, pas forcément les rêves que je fais la nuit, mais ceux que je rêve de, quand je rêve de faire quelque chose, d'aller quelque part, de lancer un nouveau projet, généralement, quand je le rêve beaucoup, je reste pas les bras croisés, puis je fais en sorte d'y arriver, donc c'est plutôt challengeant pour moi, les rêves. Et d'ailleurs, ces dernières années, je mettais souvent en avant les métiers de demain en alliance avec le vivant dans le podcast. Et c'est pour ça que quand on avait échangé avec Chloé, que je salue de la NEF, avec qui je travaille en général, et qui me disait « Ah, mais tu devrais interviewer WinCoop », à l'époque, j'avais dit « J'aimerais bien que le voilier soit lancé, j'aimerais bien qu'il puisse me faire des retours d'expérience. » Et à la fois, maintenant que cette année, j'ai plus cette porte d'entrée du rêve, j'ai l'impression que WinCoop, c'est exactement ça, tu vois. C'est un rêve un peu fou qui est en passe de se réaliser. J'aimerais que tu me racontes comment l'aventure, elle a débuté et que tu me dises où vous en êtes actuellement. Ouais. L'aventure, elle a débuté en 2022. C'est une coopérative, du coup, qui a été créée par trois structures qui sont toutes les trois complémentaires. Donc, on a une structure Zéphir et Boré qui fait du transport de marchandises bas carbone. On a Julien Noé, qui est le fondateur d'Enercoop, qui, lui, souhaite monter toutes les entreprises en coopérative. Et puis, on a Mathieu Brunet, qui est dirigeant d'Arcadie et qui cherchait à transporter par la mer ses produits entre la France et Madagascar. Donc, c'est la rencontre de ces personnes-là qui a créé, qui était à l'origine de la création de WinCoop. Et donc, comme tu l'as très bien expliqué à l'instant, c'est de construire une flotte de porte-conteneurs à voile et puis aussi de faire connaître un peu ce secteur, je dirais, opaque, qui est le transport maritime. Parce que effectivement, il y a 90% des marchandises qui transitent par les mers. Alors, il y a ce qu'on porte, ce qu'on consomme, mais il y a aussi du gaz, le sable. Enfin, on se rend pas compte que la grande majorité du commerce international transite par les mers. Et l'idée, elle va un peu plus loin, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui font attention à ce qu'elles consomment. Par exemple, tu manges bio, tu manges local, tu manges de saison, mais t'es quand même pas contre ton petit café du matin ou d'épicer ton curry que tu vas cuisiner pour tes amis. Et ces produits-là, ils n'existent pas en France. Et pour arriver en France, ils sont transportés par des cargos qui naviguent au fioul lourd et qui est hyper polluant. Et donc nous, le projet de WinCop, c'est aussi d'aller transporter au maximum ce type de marchandises-là qui n'existent pas en France avec nos cargos. Alors après, c'est un petit cargo. Il fait 90 mètres de long et il peut transporter 200 conteneurs. Donc parfois on voit des images des énormes cargos de la CMA de Maersk qui font la taille de 4 terrains de foot. Donc là on est vraiment sur un petit bateau parce qu'il a fallu trouver un équilibre économique, donc grand bateau pour des économies d'échelle, mais un équilibre aussi et surtout écologique, donc un petit bateau pour utiliser au maximum les voiles. Et en plus, cette taille, elle nous permet d'aborder les petits ports qui sont complètement délaissés des gros acteurs du maritime. Ouais, et donc on a une grue à bord, comme ça on est autonome, tout ça. Donc il y a vraiment un projet aussi de territoire au-delà du juste maritime. C'est un secteur qui est connu aussi pour le dumping social. On paye mal les marins dans le maritime qui naviguent 9 mois d'affilée, qui sont payés seulement embarqués. Donc il y a dans le projet aussi une éthique sociale qui est très forte. Et puis l'éthique, le dernier pilier de la compagnie maritime, il est aussi financier. Tu parlais de la nef, donc ça c'est un des financeurs de notre projet, mais ce secteur de manière générale, il est monopolisé par trois grands acteurs. C'est un monde hyper capitaliste avec un taux de fret hyper fluctuant, des investissements énormes. Et nous, on a décidé de créer cette compagnie en coopérative d'intérêt collectif. Histoire de pousser un peu tous les curseurs du projet, sur tous les aspects du projet. Et ça change beaucoup de choses, notamment sur la partie financière, parce qu'on n'est pas dépendant de 3 ou 4 actionnaires principaux. Mais aujourd'hui, on a par exemple 2500 sociétaires réunis autour du projet et qui financent et qui sont co-armateurs du projet. Est-ce que tu es allé voir le bateau il n'y a pas longtemps? Il en est où de sa construction? Alors la construction, elle a commencé le 19 décembre, donc il y a 3 mois. Donc pour le moment, non, moi je suis pas allée le voir, on a régulièrement des photos, mais bon, ça reste des blocs d'acier qui sont en train d'être découpés, enfin c'est du concret enfin, après 4 années à travailler et à imaginer le bateau, bah, oui. Comme on disait au début, mais ça reste encore à imaginer quoi. Et normalement, j'ai envie de toucher du bois là, ce que je fais tout de suite. Les premiers trajets sont prévus en 2027. Hein. Ouais, ils sont prévus fin du printemps, début été 2027. Ça. Ouais, c'est ça. Donc ça va aller hyper vite. Bon, bah, tu as ouvert déjà plein de portes. Je vais y revenir. On voyagera d'ailleurs même en 2030 glorieuse pour tirer les fils que tu as commencé à nous proposer. On va intervenir un peu sur tous ces sujets parce que effectivement tu le dis, votre action est large, mais elle mérite d'être large en fait, parce que le monde pour moi de transport maritime, c'est vraiment un peu je sais pas si c'est le Sauron ou si c'est l'empire de Star Wars, je sais pas quelle est la bonne image du mal absolu que j'ai en tête quand je vois du coup ces porte-conteneurs qui sont gigantesques, qui sont en plus en général sous pavillon hyper opaques, qui sont en plus localisés dans des paradis fiscaux. Enfin, c'est vraiment, il y a rien qui va, il y a rien qui va. Et en plus, bah forcément, on s'imagine, c'est comme tu le disais, ce sont des immeubles sur mer qui eux évacuent complètement la question écologique présentée en, général plus comme une contrainte, un fardeau. À la marge, ils peuvent dire qu'ils ont eu quelques pratiques un peu pour un peu moins déverser tout ce fuel dégueulasse dans la mer, mais c'est vraiment à la marge. Alors que vous, c'est vraiment l'ADN du bateau, la pratique notamment écologique, puisqu'il y a cette idée du vent, hein, on le dit avec le wind dans WindCop. Comment vous avez fait pour dépasser tous ces a priori, j'imagine, la levée de boucliers, tous ces oui mais qui ont dû se dresser sur votre route, qui doivent même encore continuer à se dresser sur votre route tous les jours. Vous êtes un peu là, entraîné dans cette aïkido du oui mais permanent, non ? Oui, mais... ouais, ça, c'est sûr. On parlait rapidement de donc, la Nef, les licornes, toutes ces grosses coopératives qui répondent pourtant à un besoin qui propose des services qui existent déjà. Mais le frein, c'est le statut. C'est le statut coopératif. Du coup, nous, on se disait, on ne va pas réussir à aller lever autant d'argent parce qu'un bateau comme celui qu'on va construire, ça coûte 28,5 millions d'euros. Donc, c'est un investissement qui est assez énorme. Et finalement, ça a vachement bien marché parce qu'on a levé 8,6 millions d'euros. Et en fait, ce qui est assez original, c'est que dans les 8 millions 6 qu'on a levé, il y a 50% qui ont été apportés par les citoyens. Donc au début, le frein qui était... moi, je me souviens, en 2024, j'ai contacté 59 fonds d'investissement qui se disaient impact ou pas. Et j'ai reçu 59 refus. Pour certains, parce que c'était la phase du projet, mais en grande majorité pour le statut. Et à un moment donné où j'ai baissé les bras, je me suis dit, on va jamais y arriver à le financer, ce bateau. Et en fait, la preuve en est que c'est pas ces financeurs, c'est ceux dont c'est le métier de financer les projets qui ont pris le risque et qui sont venus à nos côtés. C'est pour 50% des citoyens comme toi et moi qui ont eu envie que les choses changent et qui ont voulu participer dans ce projet. Alors, il y a certains financeurs parce qu'il y a 20% quand même qui a été apporté par des fonds, donc qui ont réussi à mettre un pas de côté. Et les 30% restants, c'est nos futurs clients qui croient vraiment au projet et qui ont investi dans le projet. Donc, c'est juste ces chiffres-là. Moi, je trouve que c'est vraiment l'exemple que, en fait, on a envie que ça bouge, quoi. Ouais, et puis le modèle de coopérative, effectivement, il donne plus de transparence, il donne aussi plus de place à tous les sociétaires et il permet à chacun, chacune de s'engager selon ses moyens, parce que j'imagine que la part est pas très élevée en réalité, non ? Alors ça dépend pour qui, mais oui, c'est 100 euros la part sociale, donc après on peut en mettre plus, mais en tout cas le montant de la part sociale est de 100 euros. Ouais, donc tu vois, et ça me fait me dire qu'en fait... De par ce mouvement qui est tout de suite un mouvement citoyen, il y a cet échange qui se met en place et votre rôle qui devient, c'est vrai, très technique, tu le disais, un bateau qui coûte cher, je ne sais pas si vous le qualifiez de prouesse technologique, mais en tout cas, quand on le voit, on se dit, ça n'existait pas encore, on n'en avait pas vu des comme ça. Et donc, bravo d'avoir réussi à faire en sorte que ça soit sur le point de se concrétiser. Et j'imagine aussi le travail un peu d'éducation qui est lié à ces questions du transport, parce que même si, et on en reparlera, votre bateau, il n'est peut-être pas forcément plus lent qu'un bateau classique, et j'imagine que c'est aussi une manière d'être en relation différente avec ses marchandises, avec sa consommation, et que dès le début, il y a un dialogue qui se noue vis-à-vis de ça avec toutes les personnes qui vous soutiennent ou qui sont même curieuses de votre démarche. Ouais, ça fait partie un peu... c'est un des principes des coopératives, c'est de former et d'informer. Et donc, il y a aussi une partie de notre travail qui est... Alors nous, on le fait pas mal sous forme de webinaire. On en organise tous les 2 mois et du coup, on explique vraiment tous les aspects du projet en toute transparence comme dans toutes nos communications. Et après, on est en train de monter là une web-série pour vraiment encore rentrer encore plus dans les sujets et notamment technique, parce que faut pas se mentir, quand on fait des webinaires, c'est plus l'aspect technique qui intéresse que l'aspect coopératif. C'est toute la technologie liée à l'imagination d'un bateau avec des voiles, comment on va faire en sorte que les performances écologiques, comment être performant technologiquement. Et donc, toutes les questions autour des voiles, du navire, les essais en bassin, le test des voiles, tout ça, ça c'est ce qui vraiment intéresse et ce qu'on essaye d'expliquer au mieux, quoi. Et ça, c'était un autre aspect de WeMake, enfin, qui était compliqué, c'est comme tu le disais, il n'y a pas de porte-conteneur à voile qui existe encore. Et donc, on a dû passer par beaucoup de bureaux d'études, architectes navals, discuter avec beaucoup de chantiers pour qu'ils acceptent aussi de construire un bateau un peu différent d'habitude. Donc, ça a été un peu de nouveauté sur tous les aspects du projet. C'est fou, hein, moi qui ai eu la chance de découvrir le milieu de la voile ces 10 dernières années et qui vois maintenant des Formule 1 sur l'eau avec des prouesses technologiques qui feraient presque voir tous les engins qui vont sur la Lune comme des gros cailloux informes. Bon, j'en rajoute un peu, mais vraiment c'est hyper hyper pointu maintenant tous les bateaux qu'on voit là. De se dire que en fait le milieu de la marine marchande il a quasiment pas bougé depuis des décennies et qu'on était réfractaires sur ces sujets, ça semble illogique en fait. Ouais, et après, du coup, tout ce qui est course au large, bon, chacun son avis là-dessus, mais en tout cas, l'avantage de toutes les innovations et les technologies qui sortent pour ces courses au large, en fait, vont servir la marine marchande pour repenser les bateaux différemment. Oui, j'ai pas vu de foil hein, quand même sur le vote de bateau. Ah, peut-être que le prochain, on aura. Pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas de ce milieu, les foils, c'est ce qui permet au bateau de quasiment se lever et d'être le moins en contact possible avec l'eau. Du coup, ça le permet d'aller plus vite. Je parle d'aller plus vite. De ce que j'ai compris, en moyenne, un navire, on va dire classique, navigue à peu près 15 nœuds de moyenne, quand le vôtre serait plutôt autour des 9 nœuds. Et pourtant, vous dites que vous irez pas forcément plus lentement, voire peut-être même plus vite. Il y a un problème mathématique que j'arrive pas à résoudre. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Alors, ouais, effectivement, les bateaux en moyenne, ils font à peu près 15 nœuds. Et encore, maintenant, avec l'organisation maritime, enfin, je veux dire, les politiques s'emparent aussi du sujet de la décarbonation du maritime. Et donc, il y a des législations qui se mettent en place. Et du coup, la première manière de moins consommer, c'est de ralentir. Donc, peut-être que la moyenne va baisser. Mais ça répond pas à ta question. La question, c'est qu'en fait, la ligne qu'on a choisie, c'est France-Madagascar en direct. Et aujourd'hui, il n'y a pas de France-Madagascar en direct. Un conteneur, aujourd'hui, il part de Madagascar, il va passer par le hub à La Réunion, passer au Sri Lanka, faire le tour de l'Afrique, etc. etc. Et donc, en fait, mis bout à bout, le conteneur, il va mettre une centaine de jours à arriver en France. Et nous, le choix commercial qu'on a fait, c'est d'aller en direct sans transbordement. Un transbordement, c'est quand un conteneur change de bateau. Et donc de pas faire d'arrêt et de faire un chemin direct. Et donc, on le fait en 30 jours. Et aujourd'hui, il n'y a aucun conteneur qui rejoint Madagascar à la France en 30 jours. Et donc, même en allant à 9 nœuds, on ira plus vite que ce qui se fait aujourd'hui. Évidemment. J'ai l'impression que en 2026, c'est fou comme ça a changé vite, mais on est tous et toutes en train d'attendre un colis, on est tous en train d'attendre un truc. Bon, en général, c'est des choses qui sont situées, enfin, ça part de France, ça va vers la France, et encore, je dis ça parce que je parle de mon exemple, mais non, j'imagine qu'il y a des gens qui commandent des choses qui viennent de Chine, et notamment quand tu le disais, quand c'est lourd, ben, forcément, c'est pas dans un avion, c'est dans un cargo, c'est dans un porte-conteneur. Et moi, j'ai cette question un peu bizarre maintenant que je pose pour clôturer la première partie de l'interview, Alice. On n'a pas beaucoup, beaucoup parlé de WinCop, mais tu vas voir, on va extrapoler ce que vous êtes en train de faire pour que en 2030 glorieuse, ça devienne la norme. Donc, pas de panique. On reviendra sur pas mal d'éléments que tu présentais en introduction. Si toi, tu peux murmurer un seul rêve à l'oreille de tous ces citoyens et citoyennes que nous sommes qui est en train d'attendre un colis ce soir, là, qu'est-ce que tu leur murmurerais comme rêve? Qu'est-ce que tu as envie de leur faire passer comme message fort? Il y en a beaucoup. Non, ça serait sur ce sujet-là, en tout cas, d'arrêter de surconsommer. Et encore, c'est trop facile de remettre la faute sur les citoyens, de dire arrêter de surconsommer. En fait, le problème, c'est la surproduction plus que la surconsommation. Quoi. Parce que même si on n'a pas envie de surconsommer, y a 1000 produits de consommation et on a de la publicité sur nos téléphones, de la publicité dans le métro, de la publicité dans la rue, dans le train, partout. Donc forcément qu'on surconsomme parce qu'on nous bassine à le faire, quoi. Donc ça serait plus aux producteurs d'arrêter de surconsommer. Ce que j'entends un peu derrière ta réponse aussi, c'est que, en fait, peut-être que, mais peut-être que j'ai envie de l'entendre, donc je veux bien que tu me répondes si c'est pas le cas, mais Queen Coop n'a pas l'ambition de remplacer chacun des porte-conteneurs qui est sur l'eau, en fait. Non, non, non. Comment dire ? Il y a aussi que les lignes que l'on va créer, on ne va pas se dire, tiens, on va faire construire un bateau et on va le mettre sur cette ligne et puis on transportera ce qu'il y a à transporter. L'idée, c'est vraiment de co-construire la ligne maritime avec les acteurs qu'on va choisir. Donc, j'ai parlé de cette première ligne qu'on a construite et co-construite avec Arcadie. Là, on travaille avec d'autres acteurs du café et du chocolat, plutôt Amérique centrale. Et donc, ça fait des mois et des mois qu'on discute avec eux, qu'on essaie de comprendre les flux et d'essayer de construire. Et ils sont une dizaine à avoir accepté de travailler avec nous, alors qu'ils sont entre eux, même concurrents, pour arriver à co-construire une ligne avec eux pour répondre à un besoin. Et après, bon, bah, sans pouvoir autant mettre le modèle économique en danger, on ira transporter des trucs un peu neutres et pas très intéressants. Mais en tout cas, l'idée, c'est pas d'arriver avec un truc et ensuite voir ce que ça donne. C'est vraiment de répondre ensemble à un besoin, voilà, et de questionner les besoins. Ouais. Ouais, ben, je me permets un peu d'autourpommeau, pardon, mais dans le podcast 2030 Glorieuse, on a déjà un tout petit peu abordé ce qu'on est en train de voir ensemble aujourd'hui, Alice, avec les chocolats grain de sel, même si, bon, là, la place, les bateaux ne sont pas du tout de la même envergure, et aussi avec Oe et les vins qui, eux, ont transporté justement en profitant des voiliers de grain de sel leur vin à New York, parce que grain de sel fait tout un parcours pour qu'ensuite il y ait des denrées qui reviennent en France. Et je crois qu'ils exploraient aussi la possibilité d'emmener de l'huile d'olive, il me semble, depuis la Grèce jusqu'en France, et de créer des zones, des routes aussi en Méditerranée. Je ne sais pas trop où c'en est, mais bon, voilà. Si vous avez envie d'écouter ces épisodes, c'est dans le podcast de 2030 Glorieuse. Et puis bientôt aussi, je vais recevoir le directeur d'Ethicable. Je ne sais pas si, tu n'es pas obligé de répondre, mais si vous discutez avec eux, c'est notamment les chocolats, les cafés, etc. Mais j'imagine que, bon, on reste un peu dans ce milieu là, quoi. Si j'étais en visio avec eux. Bon, tu vois, tout se recoupe, ça m'étonne pas. Vous êtes à la nef, et donc cette idée aussi de se rendre compte que parmi les entreprises, il y a de plus en plus de coopération plutôt que simplement de la compétition, ça fait du bien à entendre. On va partir en 2030 Glorieuse, Alice, mais avant ça, il y a toujours un petit passage, une lecture que l'invité nous fait pour nous permettre de prendre de la hauteur et nous faire regarder différemment tous ces livres qu'on a à côté de nous et qui sont pour moi vraiment des portes vers les 2030 Glorieuses, des fenêtres vers les 2030 Glorieuses. Qu'est-ce que tu viens nous lire, toi, Alice ? Donc, je vais lire un passage de Paresse pour tous de Adrien Clint. En France, sur 30 millions d'actifs, il y a près de 20 millions de salariés du secteur privé. 20 millions de personnes qui mettent leur force de travail au service d'entreprises dont ils ne possèdent pas le capital. Ajoutez à cela un peu plus de 5 millions de salariés du secteur public qui, s'ils n'enrichissent aucun actionnaire, donnent leur temps à une pieuvre qui les dévore tout autant que les autres. Reste 3 millions d'indépendants dont, que je sache, le temps de travail n'est pas inférieur aux deux précédentes catégories. Et si la durée légale est de 35 heures par semaine, combien sont-ils parmi tous ceux-là, combien parmi vous, auditeurs, qui travaillent beaucoup plus en réalité? Dans la population dite « en âge de travailler », il n'y a guère que les 3 millions de chômeurs qui ne sont pas soumis à la loi du temps de travail obligatoire. Or, ces chômeurs apparaissent comme les ratés de la société. Ils en sont très souvent les exclus. Pourquoi ? Pourquoi les travailleurs incarnent-ils la réussite et les chômeurs l'échec ? Pourquoi réussir sa vie, c'est avoir un bon boulot, un gros salaire ? Pourquoi au XXIe siècle, continue-t-on à demander à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois ce qu'il fait comme métier et non pas ce qu'il apprécie comme loisir ? En 1883, Paul Lafargue est prisonnier, emprisonné pour propagande révolutionnaire. Il est détenu à Sainte-Pélagie, dans le 5e arrondissement de Paris. Il profite de cette réclusion pour reprendre une série d'articles sur le droit à la paresse, qu'il avait publié quelques années plus tôt, et en tire l'ouvrage que nous connaissons aujourd'hui. La paresse, ce n'est ni la flemme, ni la mollesse, ni la dépression. La paresse, c'est tout autre chose. C'est se construire sa propre vie, son propre rythme, son rapport au temps, ne plus le subir. La paresse au XXIe siècle, c'est avoir du temps pour s'occuper de soi, des autres, de la planète. C'est se préoccuper enfin des choses essentielles à la bonne marche du société. C'est renoncer à l'individualisme, à l'égoïsme, à la destruction méthodique de notre planète. C'est ouvrir un espace, des espaces. C'est se poser, et même se reposer, se poser à nouveau chaque jour, la question de ce qu'on est, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on doit faire. Ne plus être un robot allant travailler, s'usant la semaine pour dépenser son fric, une fois le week-end venu, en drogue de toutes sortes, numérique, chimique, matériel, culturel, peu importe, ce sont tout autant de misérables voyages consuméristes. On ne rattrape rien en dépensant l'argent qu'on a gagné en étant privé de sa vie. C'est déjà trop tard. On n'a qu'une vie, celle que vous êtes en train de vivre, là, aujourd'hui, maintenant. Ce n'est pas un brouillon, ce n'est pas une esquisse, c'est votre vie. Vous ne pouvez pas perdre votre temps pour la gagner, il est temps de la vivre. Merci Alice pour cette lecture qui fait du bien. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire les deux romans d'Adrien Klein parce que là tu as lu le premier tome en fait de ce qui fait vraiment, vraiment, ouais, je le disais, du bien sur ces élections présidentielles d'un prix Nobel de l'économie qui milite pour, d'une certaine manière, la paresse. Je crois que c'est 15 heures par semaine de travail, hein, il me semble. Ouais, 15 heures par semaine, ouais. Et je peux même pas vous parler de la suite parce que sinon je vous divulgage complètement la saga. Tu nous fais en tout cas une super transition vers les 2030 glorieuses. Le concept est simple. On va voyager ensemble dans des futurs souhaitables ou dans lesquels WinCop se serait normalisé, pour le dire un peu simplement, et aurait pris la place qu'il mérite. Donc on va parler de ces 2030 glorieuses au présent, on va les décréter, Alice, je sais que c'est pas évident, mais on va éviter le conditionnel. Si tu parles au futur, ça veut dire que tu parles des 2040, des 2050 glorieuses. Tu peux être plus ou moins proche dans le temps. Si tu as envie d'être en 2031, c'est comme tu veux, ça peut être 2035, 2037, tu peux nous le dire ou pas, mais ça dépend des gens. Voilà, il y a des personnes qui ont envie d'être proches parce qu'elles sont ambitieuses, d'autres qui ont besoin d'un peu de temps et se disent qu'en 10 ans, on arrivera à faire plus de ruptures franches. Peu importe, et là les personnes qui nous écoutent, elles sont coincées en 2026 et donc ont besoin d'énergie, ont besoin de couleurs, ont besoin de sons qui leur donnent l'impression d'être avec nous dans ces 2030 glorieuses. Ça marche ? D'accord. Allez, on y va. Ma première question pour toi, c'est que je t'imagine moi près d'un port en 2030 glorieuses, les cargos à voile de WinCop font partie du paysage quotidien. Je ne sais pas si tu es sur le port de Lorient ou de Marseille, tu regardes à l'horizon, qu'est-ce qui a changé visuellement, mais aussi dans l'énergie qui se dégage de ces ports aujourd'hui ? Bah, je dirais que le transport maritime avant, c'était du gigantisme, de l'opacité, et puis une course au coût le plus bas. Et que maintenant, quand on regarde, quand on s'assoit sur un port, on voit des navires à taille humaine, une transparence dans les flux de ce qu'on transporte, de pourquoi on transporte, comment on va le transporter. Et puis, je dirais forcément une gouvernance coopérative, parce que moi, c'est ce qui me marque le plus dans mon projet, plus que l'aspect maritime, à titre personnel. Oui, et puis d'ailleurs, tu le disais, en fait, je nous ai parlé des grands ports de Lorient et de Marseille, mais en 2030 glorieuse, c'est... ces bateaux que vous remettiez sur l'eau, enfin que vous mettiez même sur l'eau, ils avaient la possibilité d'aller dans des plus petits ports. Et donc, si tu veux bien nous en parler, aujourd'hui avec WinCoop, vous avez aussi ramené de la vie dans des ports qui avaient été un peu sevrés de commerce ces dernières décennies. Oui, c'est vrai qu'on a décidé de faire cette taille de bateau pour pouvoir aller toucher les ports plus petits, qui ne sont pas assez rentables pour les grands du maritime. Et donc, ça a permis effectivement de remettre un peu de dynamisme économique dans les ports de Madagascar et puis dans certains ports au Pérou, on va dire. Et puis, vous avez des journées aussi cales ouvertes où vous invitez tous les sociétaires à venir voir vos bateaux, à regarder un peu comment sont stockées les marchandises, quelle est la qualité de vie aussi à bord pour les marins. Tu peux me raconter à quoi ça ressemble ? Je pense que la vie à bord n'a pas beaucoup changé. C'est plus, je pense, l'aspect social des marins, de l'équipage dans sa globalité. Par exemple, il y a quelques années, en 2026, il y a certains marins étrangers qui embarquaient pendant 9 mois d'affilée et qui n'étaient payés que quand ils étaient embarqués. Donc ensuite, ils rentrent chez eux pendant un mois et puis ils repartent embarqués sur 9 mois. Nous, avec WinCoop, on a réussi à mettre en place pour les marins français, mais aussi les marins internationaux, de mettre des temps d'embarquement et de débarquement égaux, et puis de les payer qu'ils soient embarqués ou débarqués. Donc c'est cette partie-là, je pense, qui est très importante. Il y a au-delà de ça, essayer de pousser la mixité à bord, parce que c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas forcément porté par beaucoup de femmes. C'est sûr que c'est des conditions de vie, enfin c'est une vie assez assez particulière, d'embarquer un mois, de débarquer un mois. Pour être femme de marin, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Et bah, c'est de pousser un petit peu les femmes qui rêvent de naviguer et qui n'arrivent pas, parce qu'il y en a très peu aujourd'hui, ben de qu'elles se sentent elles se sentent bien chez WinCoop pour embarquer. Et puis essayer aussi de faire en sorte que c'est compliqué de parler au passé, enfin, en se projetant. Je sais, t'inquiète, c'est normal. On bute une fois ou deux et puis ensuite, les minutes d'après se passent mieux. C'est tout à fait normal. Et donc, par exemple, notre équipage, ben, comme avant, il y avait plutôt tendance à y avoir un carré d'officiers français et puis l'équipage étranger, ben, d'avoir un peu plus de mixité dans les nationalités, sur les différents rangs, en fait, dans l'équipage. Donc ça, c'est du côté du transport, du côté des consommateurs et des consommatrices. Maintenant, je sais qu'en 2030 Glorieuse, on fait attention et parfois même on recherche les produits où apparaît la mention sur l'étiquette « ce produit a été transporté par WinCoop », parce que ça montre que ben, il y a une attention à toute la chaîne de valeur et que la démarche écologique a été poussée, j'allais dire, jusqu'au bout. C'est une fierté pour vous, comme ça, parfois même d'avoir des étals entières qui sont uniquement composés de produits WinCoop. Ah bah oui, et puis s'ils sont tous là dans ces rayons, c'est que finalement les consommateurs ont accepté de payer plus cher pour avoir ce transport et pour avoir cette transparence de je sais d'où vient mon produit et comment il est arrivé jusqu'ici. Et donc ça veut dire que les mentalités, elle continue de changer et elle continue à accepter que l'écologie a un prix, mais que ça en vaut la peine. Oui, bien sûr. Et puis ça a aussi changé d'échelle maintenant que les coopératives sont devenues autant presque à la mode, en fait. Le festival des licornes, c'est largement démocratisé. D'ailleurs, avant, ça se tenait qu'à Paris. Maintenant, ça se tient partout en France. Quelle place pour les coopératives en 2030 Glorieuse et vous qui avez désormais des dizaines de milliers de sociétaires en 2030 Glorieuse, qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été parmi les coopératives un peu pionnières de votre secteur en particulier? Ouais, bah c'est, C'est vrai que les coopératives, enfin, je veux dire, l'innovation de toujours faire mieux dans les années qui suivent, c'est pas forcément une question de technologie, d'innovation, mais c'est aussi une question de gouvernance, en fait. C'est qui décide et pourquoi faire. Et les coopératives, elles montrent qu'on peut organiser l'économie autrement. Et pour moi, c'est vraiment le point de départ du changement. Par exemple, nous, donc chez WinCop, comme je te le disais tout à l'heure, on a un peu plus de 2500 sociétaires. Et dans la coopérative... À l'époque, en 2026, tu disais, vous en aviez 2500. Ah oui, en 2026, on avait 2500 sociétaires, alors qu'aujourd'hui, on en a 10 000. Et ces sociétaires, ils sont réunis en 7 catégories en fonction de leur relation au projet. Et on a une personne ou plus par catégorie qui forme le conseil d'administration. C'est pour ça que dans une coopérative, on parle de gouvernance partagée. C'est-à-dire que l'organe décisionnel de l'entreprise, en fait, il y a un représentant de nos clients qui y siège, il y a un représentant des consommateurs finaux aussi qui y siège, ce qui nous oblige à une très grande transparence et aussi de s'assurer tout au long de la vie du projet, en fait, qu'on répond bien aux besoins de chacune des parties prenantes. Moi, ce statut... L'aspect coopératif, hein, le statut coopératif, je le trouve vraiment incroyable parce qu'il permet vraiment de s'engager dans un projet. Alors là, je parle en tant que salarié de coopérative, hein, aussi, où je m'engage d'un point de vue interne parce que opérationnellement, on fait du transport bas carbone et depuis des années maintenant, mais aussi d'un point de vue externe en faisant partie de l'entreprise. Un exemple genre politique dans le sens où on travaille pas dans son intérêt individuel pour renflouer son capital, mais bien dans un objectif collectif, quoi. C'est un projet qui appartient à tout le monde, aux 10 000 sociétaires, et en même temps à personne. Et ça change foncièrement la relation au travail, parce qu'on va remettre un peu l'entreprise au bon endroit, les bénéfices au bon endroit. Il y a le concept d'appartenance aussi. J'en reviens au passage que j'ai lu tout à l'heure. Quand c'est ton entreprise, tu vas tout donner, tes heures, ta vie, ton stress pour qu'elle fonctionne sans réussir à t'en détacher. Quand l'entreprise, elle appartient à 10 000 personnes, ma conscience professionnelle, elle va évidemment me pousser à faire plus que correctement mon travail, mais avec un certain détachement, parce que l'objectif social, je le connais, je sais pourquoi je suis là, je sais pourquoi je travaille chez WinCop depuis 10 ans. Et je peux pas avoir la mauvaise surprise en 2035 de voir débarquer un nouvel actionnaire qui sera motivé par une logique hyper court-termiste, purement financière, avec de nouveaux objectifs stratégiques complètement décalés de ce pourquoi je suis venu bosser ici, ou alors qu'on se fasse racheter par la CMA du jour au lendemain. Pour moi, ce statut, il est c'est une réponse à beaucoup de problématiques. J'allais te poser la question, toi, Alice, tu fais quoi en 2030 glorieuse? Est-ce que, déjà, peut-être que tu as envie de nous répondre individuellement, et donc ça peut être une première partie de ta réponse, mais je sais qu'avec WinCop, vous avez mis à l'eau plusieurs bateaux, que vous avez été précurseur, notamment au niveau de la technologie. Comment vous partagez ces avancées à d'autres structures qui pourraient aussi être intéressantes dans leur envie, dans leur démarche technologique? Comment vous continuez à démultiplier votre impact? Parce que, entre guillemets, et c'est un peu simple de le dire mais simplement simplement transporter des conteneurs de manière plus écologique, c'était pas assez, quoi. Comment vous avez eu envie de multiplier votre impact en peut-être partageant aussi vos compétences? C'est ça, c'est en essaimant le modèle à niveau international. Ouais, tu fais ça toi maintenant? Ouais, c'est maintenant qu'on a une base solide du projet WinCop avec 6 bateaux maintenant, 2 bateaux par nouvelle ligne. L'idée maintenant, c'est d'essayer d'essaimer le modèle et de le développer partout, pas qu'en France. On est déjà en train de le développer au Canada, au Brésil, et c'est de vraiment d'être, alors peut-être pas en open source, mais en tout cas de pouvoir développer le modèle avec toutes les personnes qui souhaitent le faire, d'arriver avec un livre de comment on crée une compagnie maritime coopérative et militante. Et donc voilà, notre équipe aujourd'hui, Elle est divisée en plusieurs branches. Il y a une branche qui est plutôt opérationnelle, qui gère les bateaux. Il y en a une qui va développer les nouvelles lignes. Et puis, il y en a une autre qui va vraiment développer le modèle et aider les autres porteurs de projets et autres nouvelles néo-armateurs et nouvelles compagnies maritimes à se développer de manière aussi, en tout cas, le plus vertueuse possible. Si on revient petit à petit en 2026, Alice, pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés et qui ont envie de devenir co-armateur, je ne sais pas si c'est un terme que vous utilisez, et de soutenir WinCoop, mais c'est quoi les prochaines étapes? Est-ce que vous avez encore besoin d'accueillir de nouveaux sociétaires? Est-ce qu'il y a des moments où on peut venir voir, entre guillemets, j'ai bien compris que le bateau n'était pas encore à l'eau, mais votre projet de plus près? Alors oui, déjà nous on est basé à Lorient, donc tous les sociétaires qui sont de passage viennent généralement nous faire un petit coucou, donc vous êtes plus que les bienvenus. Après, on est déjà en train d'organiser le baptême de notre bateau, qui va être un événement dingue et qui aura lieu à Marseille, donc qui sera le port d'attache, et là a priori on va pouvoir visiter le bateau, et donc là ce sera vraiment un événement ouvert à tous. Et après, pour devenir sociétaire et entrer dans les coulisses de la création d'une compagnie maritime avec des cargos à voile, il suffit de prendre une part sociale et on envoie des newsletters assez régulièrement, de manière vraiment hyper transparente, sur comment ça marche, quels sont les freins, nos avaries, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pourquoi on a besoin de lever des sous, enfin, d'expliquer vraiment et de rendre compte, comme une entreprise classique rend compte à ses actionnaires, ben nous on fait ce même exercice avec l'ensemble de nos sociétaires. Génial, et bientôt une web-série alors, hein, c'est ce que tu disais. Ouais, alors le premier épisode est déjà sorti, il est sur notre page YouTube, et il explique en fait, avant de lancer la construction d'un bateau, il faut faire pas mal d'essais et de tests en bassin, et donc il explique tout ce qui s'est passé là aux Pays-Bas il y a quelques mois, et qui a validé les plans de notre navire avant d'en faire un vrai navire. Hyper intéressant. Pour terminer, Alice, j'aimerais bien que tu essaies de lancer un défi concret à toutes les auditorices qui sont avec nous là, pour qu'elles commencent à décarboner un peu leur imaginaire et peut-être qu'elles remettent même carrément du vent dans leur choix de vie là, dès la fin de cet épisode. Par quoi on peut continuer pour aller dans le sens de ces 2030 glorieuses et de la normalisation de WinCoop? Qu'est-ce qu'on peut faire chacun dans notre coin? Pas forcément en lien avec WinCoop. Ça peut être un truc très concret, mais ça peut être un truc... Ouais, c'est pas forcément en lien avec WinCoop, ça peut être quelque chose de presque plus impalpable, hein. Je sais pas, c'est vraiment une perche que t'as envie de tendre, ça peut être un appel à l'imaginaire, je sais pas, qui est peut-être un message que vous avez comme un mantra. Bah, l'appel à l'imaginaire, pour moi, l'appel à l'imaginaire, pour moi, c'est apprendre à se déconnecter et à se reconnecter, enfin, ouais, se déconnecter et se reconnecter, en fait. Se déconnecter de tout, le numérique, de tous les écrans, et en fait se reconnecter à soi-même, se reconnecter à notre vie, se retrouver, de ne pas avoir peur de se retrouver seul face à nous-mêmes, parce qu'on est toujours occupé derrière un écran, et du coup, eh ben, on ne peut plus travailler avec notre imagination, parce que notre imaginaire, notre esprit, il n'est pas libre, il n'a pas le temps de se laisser porter et de partir dans ses idées, dans ses histoires. Donc, juste de se déconnecter au numérique et se reconnecter à notre vie. Merci Alice. Merci Julien. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. J'espère que cet échange a réussi à vous aider à mieux comprendre la puissance des rêves tout en vous donnant les clés pour passer à l'action sans attendre. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et si vous voulez un peu d'aide, vous pouvez rejoindre la communauté 2030 Glorieuse, qui est une véritable galaxie utopiste qui va vous permettre individuellement et collectivement de prendre soin de vos utopies. On a des ateliers qui sont organisés partout en France et aussi en ligne. Toutes les infos sont sur 2030glorieuse.org. Il y a aussi des livres, des méditations et plein d'autres épisodes de ce podcast qui existent depuis de nombreuses saisons maintenant. On ne veut pas seulement que vous écoutiez ce podcast, on veut que vous fassiez grandir cette galaxie utopiste avec nous. Et pour ça, moi, j'ai besoin de votre aide. J'ai vraiment envie cette année que le podcast y redevienne une communauté à la hauteur de nos rêves. Et j'ai deux défis à vous proposer. Le premier défi, c'est que vous releviez le défi de notre invité. Ne laissez pas cette idée s'éteindre en même temps que cet épisode.